خامسا أين وضعت حقيبة ملابسك؟ في مخزن الطائرة. طيب. الطائرة الحقيبة الحطائي. ما فهمت. في مخزن الطائرة. طيب. سادسا من القطار شاهدت مناظر جميلة ما هي؟ هي الجبال الكبيرة والأشجار الجميلة والبحر وطلوع الشمس. طيب. سابعا كم ساعة سافرت؟ سافرت 50 ساعة. لا 50 ساعة. نعم. طيب ندخل في الدرس التاسع، ما زلنا في الوحدة الثالثة. الوصول إلى الميناء. الوصول c'est l'arrivée والميناء c'est le port. طيب bateau. ها ميناء port. port du bateau. لا لا لا خنزير الأنيمال. طيب بكونسو في الكلمات الجديدة مينا بور اي توت ان با اي نامي لو بلوريل شوف كون با مي ا كوتي سي مواني لي لا مواني كاتريام لين سي الجم عاصمة. طيب سا سي كابيتال. عاصمة سي لا كابيتال. Soufoun, c'est le djem de Safina. Pareil, je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis ensemble. Soufoun, c'est le pluriel de Safina qui veut dire bateau. Ashkel, c'est le djem de Shakl qui veut dire apparence, forme. Ahjam, c'est le pluriel de Hajam, qui veut dire format, taille. Rukab, Hajam. Aïe, qui veut dire taille format. Rukab, c'est le djem de quoi? Rakib, non. Qui veut dire passager. Bada'i, qui veut dire marchandise. نعم. ضخمة c'est dire énorme, gros, immense. نفط c'est cargaison. Cargaison. Cargaison. Mmh. Le pétrole. Mmh. Il m'a dit traduit par neuf. Neuf pétrole. Ah, je crois que t'as raison. C'est pétrole. En fait, il veut dire le. Sa finale, la tête armée, le neuf, c'est le pétrolier. Arsente, ouais, c'est le pétrole. Nafi. Naqila, c'est le transport. C'est comme ça, voilà, Moussala. Là, c'est le transport des choses, de la marchandise. Ah, transporter, non. Mais le transport, toi, pour l'instant. Enfin, dans la phrase, ça paraîtra mieux. Mumti'a, agréable. Ah, agréable. Sa fille, là, c'est... on a dit son pluriel au début, Soufoun. Ah, non, Mumti'a, agréable. طيب أبدعوا وأكبروا واسخروا وأبعدوا وأقربوا وأطولوا وأقصروا وأسرعوا وأقدموا وأوسعوا وأجملوا وأنظفوا. Tout ça c'est l'ism tafdil. طيب أبدعوا c'est de badir. C'est une chose nouvelle sans précédent. Badir. Naam. Une chose nouvelle. Mmh. C'est quoi le sens? Dans le texte, ça apparaît. Badia, c'est nouveau en fait, non? Non. C'est quoi ça? Un verbe, ça? Badia. Badia, là. Ah, Badia, en plus, c'est un lien. Akbar, c'est le kabir. Ashar, c'est le sahir. أبعد بعيد أقرب بقريب أطول بطويل أقصر بقصير أسرع بسريع أقدم بقديم أوسع بوسيع وأجمل بجميل وأنظف بنظيف. Et tous les mots vous les connaissez. C'est le mot du kitab أول. C'est la différence entre Azwar ou Aqsar. Qasir c'est court. En taille. Et Azwar c'est mieux qu'il voit. Non. Ensuite, مختلف, différent, varié. Hamala yahmilu, transporté ou porté. Un 10 ou مختلف, mais des fois dans des phrases, ils disent irtilef. C'est un autre mot, c'est un masdar. Mais c'est la même. يحملوا porter transporter نظر ينظروا regarder نظر يا لها c'est une formule de تعجب d'exclamation. Je sais pas comment traduire. Ah, comme oh, ou je sais pas. Ah, oh, c'est pas les mêmes. Non, je sais pas comment traduire celui-là. Quand tu l'emploies, quand tu es surpris d'une chose, tu t'étonnes d'une chose. Iqama, c'est le axe de safar qui veut dire résidence. Iqama là, c'est le contraire de safar. Alors pour ça, c'est qu'on voyage, et le muqim, c'est celui qui est résident. Afkal, c'est le ism tafdil de faqil, qui veut dire lourd. C'est quoi entre parenthèses, le tafdil? Pour dire que c'est un ism tafdil. C'est pour dire que c'est un ism tafdil. Et c'est pas un verbe rubaï. طيب الآن نأخذ الحوار بين مالك وطارق. طيب أنت طارق وأنت مالك. هذا مين هذا مين كبير يا مالك. نودي سلبوك دمام. Il est grand au مالك. هل هو أكبر من الرياض من الرياض من الرياض العاصمة؟ Qui dit est-ce qu'il est plus grand que la capitale Riyad؟ لا هو أصغر منها ولكنه أكبر المواني في السعودية. Dit non, il est plus petit qu'elle. Cependant, il est le plus grand des ports d'Arabie Saoudite. أبدع هذا المنظر. منظر. هذا المنظر. سفن داخلة وسفن خارجة. Donc il dit, c'est là comme je vous dis, ma abda, on est pris dans le kitab awel, sira ta'ajjub. Quand tu donnes une chose, quand tu dis ma ajbala hadha, comme c'est beau, tu dis ma akbara hadha, comme c'est grand, et ainsi de suite. Donc là, quand il dit ma abda adan al manzar, non, là, il parle du paysage, de la vue. Il dit comme ce paysage est. C'est un nouveau paysage pour lui, en fait, c'est ça. Voilà. Je sais pas comment traduire, mais encore vous avez compris quoi. Il s'étonne du côté moderne du paysage, quoi. De sa créativité. Oui, mais je pense que là, le manzar, c'est en fait, c'est comment il a été construit le port. Hein? Comment ils ont construit le port. Ouais, sûrement, ouais. Donc à la Mabda, c'est à Adjoub. Et là, normalement, il aurait dû dire Allahumma barik. Sans quoi, tu peux atteindre Da'in. Soufoud Dakhilatun ou Soufoud Khalija. Des bateaux qui rentrent, qui sortent. Ou à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas une sortie pour les bateaux. La Dakhila, c'est une fin. طيب طالق انظر الى اشكالها واحجامها المختلفه donc on zoom sur le fil homme c'est le homme de nazar el zulu que je regarde طيب الى اشكالها leur apparence طيب واحجامها leur taille forbar la taille qui veut dire el mukhtalifa différente طيب regarde leur apparence et leur format ou taille plutôt différente parlant des bateaux. هذه السفن هذه السفن تحمل الركاب وتلك تحمل البضايع. Donc il dit ces bateaux transportent les passagers et ceux-là transportent les marchandises. وما هذه السفينة السخنة الضخمة. Il dit quel est ce gros bateau, cet énorme bateau. إنها نافلة للنفط. Il dit, elle est pour transporter le pétrole. Donc là, Nankela, c'est ism fa'il de Nakala Yankulu, qui veut dire transporter une chose. Donc il veut dire pétrolier en fait. إنها نافلة للنفط, c'est-à-dire transporte le pétrole, pour faire pétrolier quoi, en fait. Et on sait que les pétroliers sont gros, c'est des gros bateaux. Nankela. Et Hamala, c'est pareil en fait. Ouais, c'est. T'as qu'à aller, c'est proche comme sens. Tariq. Donc là, Yala, comme je vous dis, je connais pas vraiment d'équivalent en français, on va dire. Ah, quelle agréable sortie. Rihla, c'est sortie virée. Moumtia, agréable. Ah, Walen Yakul, Istabir, Waraddid. Là, il va vous faire employer l'ism tafdil qui permet de préférer une chose à une autre. Et ça, c'est un truc que Inch'Allah qui a déjà été pris. Kitab Awal, Fawa Sahel. Il dit Ar-Riyadu Akbaru min al-Damam. Riyad est plus grand que Damam. Al-Damamu Asqaru min al-Riyad. Damam est plus petit que Riyad. Thalithan Al-Mataru Ab'adu min al-Mahatta. Donc l'aéroport est plus loin que la gare. Al-Mahattatu Akrabu min al-Matar. La gare est plus proche que l'aéroport. Al-Qitaru Atwalu min al-Sayyara. Le train est plus long que la voiture. Al-Sayyaratu Aqsaru min al-Qitar. La voiture est plus courte que le train. Al-Tayratu Asra'u min al-Qitar. L'avion est plus rapide que le train. Al-Safaru Amta'u min al-Iqama. Le voyage est plus agréable que la résidence, le fait de rester sur place. Fanian, Adib Kemal fin Namouzaj. Répond comme un exemple. Namouzaj Yakul. Donc il laisse un trou, Akbar, Min, et après autre trou. En dessous, il met deux mots, Riyad ou Ad-Dimam, Ad-Dimam. Donc il faut mettre chaque mot à la place qui lui revient. Riyad Akbaru Min Ad-Dimam. Donc Daymen, il veut que vous appreniez le même ism tafdil, Akbaru Min. Ah oui, la classe est plus grande que la chambre ou la pièce. Tarte ou... Non. Le... Non, faut-il. Le... Le...